L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Finally, the truth about Hitler's diabolical plans to create a race of superwomen can be told. Werewolf women of the SS. Baby howl, hurle, mon bébé hurle. À l'instant, c'était Rob Zombie avec le titre Werewolf Woman of the SS, les femmes loups-garous des SS. Ça fait un petit peu froid dans le dos, c'est une musique qu'il avait composée pour une vraie fausse bande-annonce de film Grindhouse, vous savez, un peu genre Tarantino ou Robert Rodriguez. Et donc effectivement, c'était une vidéo assez intéressante, je vous la mettrai sur le Facebook de L'Heure du Loup, si le cœur vous en dit, car vous êtes bien dans L'Heure du Loup, les amis. Il est 18h passé de quelques minutes et c'est l'heure de rugir peut-être, et je vous ai préparé une playlist pour l'occasion. Et on commençait donc avec ce titre de Rob Zombie. On va continuer un petit peu dans le même thème avec un morceau de Dionysos, une reprise en fait de Serge Gainsbourg, un morceau qui était sorti sur l'album Rock Around the Bunker dans les années 70, et je vous propose une reprise de Dionysos tout de suite, Nazi Rock. We'll be right back. chanson. On va danser. À l'instant, c'était une reprise de Serge Gainsbourg par Dionysos, Nazi Rock. C'était sur l'album Rock Around the Bunker. C'était dans 1974 ou 75. Et c'était pas Mathias Malzieu qui chantait à l'instant. Vous l'aurez peut-être reconnu. C'était Eric Almosnino qui incarnait Gainsbourg dans le biopic qui était sorti il y a quelques années au sujet de ce grand monsieur de la chanson française et de temps en temps du rock. Alors, ce soir, donc comme je vous l'avais laissé entendre sur Facebook en début de journée, ce soir j'ai envie de consacrer la playlist, et puisque c'est la période des commémorations en ce moment, à la façon dont les groupes de rock se réapproprient un peu le thème de la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est une émission que j'aurais dû vous faire la semaine dernière, mais j'avais oublié que c'était le lundi de Pentecôte, et puis comme on est tous bénévoles à Osmose Radio, hein, on n'est pas tenu de bosser pour les gens qui meurent pendant les canicules. Donc voilà, ça a été, il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière, je m'en excuse, j'avais oublié de prévenir, et du coup je vous fais cette playlist. Last but not least, aujourd'hui, ce soir même. Rob Zombie, pour commencer avec Werewolf Women of the SS, histoire de pas prendre ce thème-là trop au sérieux. À l'instant, Serge Gainsbourg, qui lui était aux premières loges dans les années 40 et qui lui aussi a décidé de prendre tout ça à dérision. Et je vous propose de continuer avec une actualité, mais pas une actualité musicale en fait. C'est un jeu vidéo qui est sorti le mois dernier. Il s'agit de Wolfenstein The New Order. Wolfenstein, une franchise de jeux vidéo qui existe depuis le mi-temps des années 90, on va dire, et qui se déroule toujours dans des, par rapport à des méchants nazis, hein, qui veulent dominer le monde. Vous me direz, c'est un peu facile, mais c'est redoutablement efficace. Et dans la dernière mouture de ce jeu vidéo-là, The New Order, eh bien, les concepteurs sont allés assez loin au niveau de l'histoire et au niveau de la réalisation de ce jeu vidéo. Je m'explique. C'est-à-dire que ils ont placé l'action du jeu dans les années 60, mais dans un univers d'Uchronie, c'est-à-dire que se serait-il passé, comment auraient été les années 60 si les nazis avaient gagné la guerre. Et là, c'est un univers qui à la fois est assez marrant, et parce que c'est complètement imaginaire, et en même temps c'est un petit côté vintage, c'est un petit côté donc rétro, et en même temps ça fait froid dans le dos parce que ça donne une idée de ce qui aurait pu se passer si l'histoire ne s'était pas déroulée comme elle s'est déroulée. En l'occurrence, dans ce jeu-là, les concepteurs ont poussé le vice jusqu'à faire en sorte que la bande originale corresponde un peu à l'ambiance qu'il aurait pu avoir à l'époque. Et donc, au niveau de la bande originale, ils ont composé, ils ont fait des reprises en fait de standards des années 60, mais germanisés. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez Die Käfer qui font Blaue U-Boat, par exemple, et au lieu des Beatles qui faisaient Yellow Submarine. Vous voyez un petit peu l'ambiance. Vous avez aussi une reprise à l'accordéon de House of the Rising Sun, etc., etc. Et vous avez aussi donc des groupes imaginaires qui reprennent des morceaux pour vous plonger un peu dans l'ambiance de cette période-là. Et c'est notamment le cas du groupe avec lequel, enfin le groupe imaginaire, hein, il n'a jamais existé, avec lequel je vous propose de continuer, The Bunkers, avec le titre Toe the Line. We'll be right back. DAF pour Deutsche Amerikanische Freundschaft, un titre plein d'ironie pour un morceau qui n'en manque pas moins, c'était Der Mussolini. Et les paroles, en fait, ça disait « Laisse-toi aller, agite les membres n'importe comment, danse comme Mussolini, danse comme Hitler, danse comme les communistes ». En fait, c'est une manière de se foutre de la gueule de tout simplement tous les dictateurs passés, présents et à venir, qui avaient en cette année, donc 1981, quand l'album est sorti, « Alles ist gut ». Là encore, c'était pas forcément le cas, tout va bien, pas forcément. Et donc voilà, c'était un duo allemand du début des années 80, DAF, avec ce titre Der Mussolini, donc qui avait fait polémique, vous vous en doutez, et qui en fait invite simplement à danser de manière désordonnée, un petit peu comme ces dictateurs grandiloquents des années 30 qui faisaient un peu n'importe quoi avec leurs bras, pas qu'avec leurs bras d'ailleurs, quand on les regarde dans les documents d'archives. Voilà, donc vous l'aurez compris, ce soir c'est une playlist thématique et je vous propose de continuer là encore avec un classique du début des années 80 mais dans un style tout à fait différent. On passe de l'électro au metal avec un extrait d'un album sorti en 1983 d'un groupe à un classique Metallica et je vous propose d'écouter tout de suite le titre Blitzkrieg. C'est la guerre que les Américains ont préparée et qu'ils préparent pillée à piller. 1918, un groupe que j'aime bien, un groupe de rock indé que je vous avais déjà passé, mais qui fait de temps en temps un petit détour dans le métal, comme vous venez d'en avoir un aperçu à l'instant avec ce titre qui était sorti sur l'album Unjust Momento en 2003. C'était Stalingrad Theme, et c'est enchaîné juste avant avec un morceau de Metallica, un morceau sorti 20 ans plus tôt, le titre Blitzkrieg, un morceau qui aura fait fureur auprès des métalleux. Point, point, point. Excusez-moi, je sais que ce calembour est absolument abominable, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Donc ce soir, vous l'aurez compris, c'est une playlist thématique. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Osmose Radio, vous êtes dans l'heure du loup à l'instant. Et c'est donc une playlist consacrée à la manière dont les groupes de rock notamment réinterprètent le thème de la Seconde Guerre mondiale en musique. Ça donne des choses assez riches, comme je vous l'ai fait voir dans cette première partie de l'émission, et on va continuer dans la seconde. Alors Klimt 1918, un hommage avec ce titre à la fameuse bataille de Stalingrad, tristement célèbre j'ai envie de dire, qui nous permet aussi de repenser de temps à autre, hors propagande américaine des films hollywoodiens, que si les choses ont tourné relativement bien pour nous autres de ce côté de l'Europe, c'est aussi beaucoup parce que les Russes s'en sont pris plein dans la gueule. D'ailleurs, là-bas, ils ne disent pas Deuxième Guerre mondiale. Ils disent Grande Guerre patriotique. Et c'est quelque chose qui, même 70 ans après, est encore très présent dans leur mémoire et qu'ils ressentent, dont ils ressentent encore à une autre échelle que nous autres. Et pourtant, Dieu sait qu'on en a chié. Enfin, nous, nos arrière-grands-parents et nos grands-parents, qu'ils ressentent encore beaucoup qu'ils commémorent avec beaucoup de sérieux. C'est pas faute de s'en rappeler, et je sais que pour ma part, je me sens plus redevable envers le soldat Popov qu'envers le soldat Ryan, malgré toute la propagande de très bons films d'ailleurs hollywoodiens qui sortent sur le thème de la Deuxième Guerre mondiale, donc le soldat Ryan, le jour le plus long, etc., etc. Et je vous disais que donc la bataille de Stalingrad et la Grande Guerre patriotique est très présente dans la mémoire russe, et ça se retrouve aussi en musique, notamment avec le groupe Necrostellar, un groupe darkwave de Saint-Pétersbourg dont j'avais déjà eu l'occasion de vous parler il y a quelques émissions, et dont je vais vous passer un extrait d'un album qui me tient vraiment à cœur, qui est un très bel album, qui s'appelle Ride Tranquility. C'était sorti en 2007. Alors, on sait que les Russes sont parfois un petit peu nationalistes, mais là, pour le coup, Yuri Zvednieye, qui est au centre de ce projet musical-là, évite l'écueil du nationalisme et tombe plutôt dans un patriotisme parfois peut-être un peu ambigu, mais on peut rien lui reprocher, puisqu'il dédicace cet album à toutes les victimes de la Deuxième Guerre mondiale. Point barre. Pas seulement les Russes, mais aussi ceux qui sont tombés de l'autre côté du front. Cet album est vraiment un voyage musical avec des titres assez ambiantes, d'autres qui sont beaucoup plus martiaux dans le son et qui sont assez durs, et d'autres comme celui qu'on va écouter tout de suite, Rasos Danie, Vijubiyenie Siet. Alors en fait, ça signifie je vois la lumière blanche. Vous savez, la lumière blanche, celle qu'on voit sur la fin, et Dieu sait que dans ces moments-là, il y en a beaucoup qui l'ont vu. Je propose de continuer avec ce morceau, Necrostellar, un extrait de l'album Ride Tranquility. Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Peut-être que vous avez entendu ça dans des documentaires ou quoi, c'était Pierre Dac qui s'amusait à faire ça sur Radio Londres hein, pour se foutre de la gueule du régime de Maréchal Pétain et de ses propagandistes, genre Philippe Henriot, tout ça. Et donc là, on vient d'en avoir un petit exemple, mais en un peu plus sinistre, je vous l'accorde, avec ce morceau qu'on vient d'écouter, un morceau du projet musical Dernière Volonté, c'était le titre Radiophonie, c'était enchaîné juste avant avec un groupe russe, celui-là, Necrostellar, avec le titre Rassos Danié, et c'était un extrait de l'album Right Tranquility, donc consacré à toutes les victimes du front oriental. Alors là, on vient d'écouter un extrait donc de Dernière Volonté, un extrait d'un album qu'il avait composé à la fin des années 90, à une époque où il était moins dans la musique synthétique et pop qu'aujourd'hui, et plus dans un délire ambiante, musique martiale, etc. Et ça me permet en même temps de parler de la scène dark folk et néo folk, qui est une scène assez controversée, mais pour un sujet comme celui que j'aborde ce soir, j'étais obligé de le faire, et même si c'est un petit peu délicat. C'est une scène controversée, vous disais-je, parce que beaucoup de groupes et de musiciens qui s'illustrent sur cette scène dark folk sont souvent accusés, à tort ou à raison, souvent à tort d'ailleurs, de complaisance envers l'esthétique et même la doctrine des régimes totalitaires, donc fascistes, nazis ou socialistes staliniens. Et en fait, moi qui me suis penché un petit peu sur la question, je peux vous affirmer que dans 90% des cas, c'est totalement faux. C'est juste des groupes qui font un petit peu de provoque de plus ou moins bon goût. Bon, vous me direz, ça veut dire que dans 10% des cas, c'est vrai, certes. Et si c'est vrai, en même temps, personne n'est allé avec les couillons qui s'amusent à faire de la provoque comme ça dans l'isoloir pour leur tenir le bulletin. Mais c'est vrai que de toute manière, c'est pas bien grave, puisque dans ces derniers cas, ce sont des gens qui font des choses assez médiocres. Vous pensez bien que moi, dans l'heure du loup, je vais pas vous amener des gens qui ont des opinions politiques nauséabondes, mais plutôt des gens comme Dernière Volonté qui ne se situent pas vraiment, ou même pas du tout, dans cette tester dans ce délire-là, puisque ce qui l'intéresse manifestement dans cet album qui s'est sorti en 98, qui s'appelle Obéir et Mourir, tout un programme vous me direz, dans cet album il s'intéresse beaucoup plus à une mise en perspective historique de ce qu'ont pu ressentir les gens dans ces années 40, à une époque où il y avait beaucoup d'incertitudes, du rationnement, etc. Et puis donc la propagande des Philippe Henriot, des Pétain, etc., qu'ils entendaient régulièrement à la radio et qui invitaient plutôt à la sinistrose, mettez-vous à la place de nos arrière-grands-parents. Donc voilà, c'est cette manière d'utiliser des documents d'archives, des discours, des archives radio, des trucs comme ça, notamment dans ce morceau qu'on vient d'écouter, Radiophonie, et une musique avec des instrumentations assez planantes, assez ambiantes, et des rythmiques martiales qui invitent un petit peu à l'ambiance qu'il pouvait y avoir à cette époque-là. Voilà, donc c'est un domaine musical complexe, pas facile à aborder, et qui est sujet à controverse, voire même à polémique, mais qui en même temps apporte un éclairage intéressant sur la manière dont on peut illustrer ce thème musical-là, ce thème musical que je me propose d'aborder ce soir. Voilà. Jusqu'à présent, ma playlist a été assez européo-centrée, puisque bon, ben, on est en France, le conflit s'est quand même pas mal déroulé en Europe, grosso modo, mais c'était quand même un conflit mondial, il faudrait pas croire que ça a pété seulement chez nous. C'est notamment, si vous êtes féru de cinéma d'ailleurs, vous aurez peut-être en mémoire certains films consacrés à la guerre en Asie, avec les Japonais, les Anglais, les Américains, et peut-être, en ce qui me concerne, j'avais beaucoup aimé le film de Clint Eastwood, Lettre d'Iwo Jima, qui était une manière d'aborder une des batailles les plus violentes de la guerre du Pacifique. Et bien, je vous propose d'y repenser en musique avec un extrait, avec un morceau du groupe français Marquis de Sade qui était sorti en début des années 80, le titre Iwo Jima Song. Holding the night Un extrait du titre de Marquis de Sade, Iwo Jima Song. C'était sorti au début des années 80, donc c'était ce groupe de Cold Wave de l'époque qui s'était illustré notamment avec ce morceau-là. Voilà, ce soir c'était donc une playlist consacrée au thème de la Seconde Guerre mondiale en musique, un sujet un petit peu austère, j'en conviens, mais j'espère que ça vous aura permis de découvrir des choses assez intéressantes puisqu'il y a pas mal de groupes qui se réapproprient ce genre de choses, ce genre de thème avec brio. Voilà, très rapidement, quelques concerts pour ce week-end, les amis. Alors, le mardi 18, vous aurez à Nîmes, à la Paloma, vous aurez Slayer, ce groupe de trash, de death, qui sera en concert. Sinon, mercredi 18 et vendredi 20, vous aurez une soirée Deviant Zone à Avignon, avec des zombies, etc., sur l'écran, des invités et tout et tout. Et enfin, le gros morceau, évidemment, c'est la fête de la musique, samedi 21, mais rassurez-vous, on aura l'occasion plus en détail de vous donner le programme des festivités sur Avignon, sur Osmose Radio, au cours de la semaine, ne vous en faites pas, voilà. Chers amis, j'ai envie de, comme notre habitude, de nous quitter avec quelque chose d'un petit peu décalé, et ce soir, donc, pour rejoindre le thème abordé dans l'émission, ce sera avec un morceau qui était sorti à la fin des années 30, un morceau qui a eu fait un carton dans toute l'Europe, en fait, même s'il est resté dans les mémoires, comme le morceau que chantaient les soldats de la Wehrmacht, hein, habillés en vert de gris, quand ils conquéraient l'Europe au son des bottes, j'ai envie de dire. Mais en fait, c'est un morceau qui a touché beaucoup de gens à l'époque, qui a fait un carton dans tous les pays européens à ce moment-là, à la fin des années 30. C'était un morceau qui a eu une certaine pérennité puisqu'elle a été réinterprétée dans les années 50 notamment par Marlene Dietrich. C'est donc le fameux Lili Marlène, qui à l'origine est une chanson de Leil Andersen. Et moi je vous propose de nous quitter avec ça ce soir, hein. C'est l'histoire d'une petite demoiselle qui va rejoindre son mari, qui son amoureux, qui est trop fiant dans une caserne. Décidément, on a plus à gagner en étant amoureux qu'en étant soldat. Ce sera ma conclusion pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée mes loulous, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Bisous. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Schon rief der Posten, die bliesen Zapfenstreich. Es kann drei Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, wie gerne würd ich mit dir gehen, mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie, doch nicht vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, geht mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Marlene, Marlene, Marlene, Marlene.